Non, arrête ça. J'suis rongé, plongé dans le désir de me venger. Non, arrête ça. J'suis culpabilisé, accusé, j'm'en tire bien ce coup-ci si j'finis pas muselé. Non, arrête ça. J'aime tirer sur tous ceux qui au sur ne sont pas vus arriver. Non, arrête ça. Non, arrête ça. C'est des gars fracas par la ganja ou la coca, ça c'est ma Ginebra. Non, arrête ça. J'suis toujours là, là en Prada. Non, arrête ça. Non, bah c'est plutôt du KRA, du bidon accompagné de la vodka. Non, arrête ça. Si les viols ne s'accompagnent pas de la vodka. Non, arrête ça. Les veulent sa folle, se saignent les veines, prennent pour leur idole. Non, arrête ça. Comment ça? Je suis pas fan de. Y'en a qui sont fans de ma queue. Comment ça? Interpellation par SMS, conversation de sexe, t'amène au je t'aime. Comment ça? La drogue non-stop, le globe dans le froc. Soirée commence par super bot, termine par 2-3 salopes. Comment ça? En vie à 200 à l'heure, l'argent pour la BR. Ainsi commence la carrière de dealer. Comment ça? Stupéfait, moi c'est les stupéfiants qui m'ont fait. Comment ça? Si mon shit était une pute, ça serait du luxe. C'est pas le genre du trottoir, ne satisferait pas d'une seule victoire. Comment ça? Sur la hurle, les gens ont eu peur de m'affronter. Que c'est la fonte et les gueules éclatées. Qui témoigne du peu de pitié que j'ai. Comment ça? Arrêtez, j'ai pas connu, j'ai vu mes soins en garde à vue. Comment ça? J'ai le stylo en poche. Ce keuf qui se prenait pour Robocop. Comment ça? Ce fils de pute c'est qu'il n'est pas à l'épreuve des balles. Tu veux une preuve? J'en ai eu deux lors d'une seule rafale. Non, arrête ça. La violence n'est plus pour moi, mon adolescence a été bercée à ça. Non, arrête ça. Je garde le souvenir du parc, le maillot du Barça visant les poteaux. Faut aviser que le garde national trouve plus intelligent que viser sur mes poteaux. Non, arrête ça. Comment ça? Ils ne sont pas tous des bons, le peuple se trompe. C'est eux la cause de nos dernières tombes creusées. Comment ça? Je pleure un frère, deux frères. Bientôt c'est le cimetière qui abritera ma famille entière. Comment ça? Ils font tous le grand voyage, me laisse seul. Mon orgueil ne couvre plus la tristesse lue sur mon visage. Comment ça? Je garde ce sentiment d'être né du mauvais côté du rivage, loin des salons de massage, mais bientôt près du baston et prise d'otage. D'otage.